Chapitre 5. Le pacte. Thibaut s'arrêta sur le seuil de la porte, tout étourdi de cette réapparition. « Nous disions donc, » reprit le loup comme si rien ne s'était passé, « que je ne puis t'accorder que tout le bien que tu souhaiteras t'arrive. Alors je n'ai rien à attendre de vous. » « Si fait, car je puis faire que le mal que tu souhaiteras à ton prochain se réalise. » « Bon, et à quoi cela m'avancera-t-il ? » ? « Niais, un moraliste a dit, il y a toujours dans le malheur de notre plus cher ami un point qui nous est agréable. » « C'est un loup qui a dit cela ? Je ne savais pas que les loups eussent des moralistes. » « Non, c'est un homme. » « On l'a pendu ? » ? « Non, on l'a fait gouverneur d'une province du Poitou. » Il est vrai qu'il y a beaucoup de loups dans cette province-là. Or, si dans le malheur du meilleur ami, il y a toujours quelque chose d'agréable, comprends donc ce qu'il peut y avoir de réjouissant dans le malheur du plus grand ennemi. « Il y a du vrai là-dedans, » dit Thibaut. « Sans compter qu'il y a toujours moyen que le mal du prochain nous profite, que le prochain soit ami ou ennemi. » « Vous avez, ma foi, raison, seigneur loup, » répondit Thibaut après quelques secondes de réflexion. « Et vous m'accorderiez ce service en échange de quoi ? Voyons, donnant-donnant, n'est-ce pas ? » ? « Oui, chaque fois donc que tu formeras un vœu et que ce vœu ne profitera pas à toi-même, je veux avoir en propriété une petite partie de ta personne. » « Eh !» fit Thibaut en reculant tout effrayé. « Oh, sois tranquille, je ne te demande pas une livre de ta chair, comme certains juifs de ma connaissance a fait pour son débiteur. » « Que me demandez-vous alors ? » ?»« Un de tes cheveux au premier vœu que tu feras, deux au second, quatre au troisième, et ainsi de suite en doublant toujours. » Thibaut se mit à rire. « Si ce n'est que cela, messire loup, dit-il, j'accepte, et je vais tâcher de souhaiter une si bonne chose du premier coup que je ne serai jamais forcé de porter perruque. Topons donc !» Et Thibaut tendit la main. Le loup noir leva la patte, mais il laissa la patte levée. « Eh bien, fit Thibaut, je réfléchis, dit le loup, que j'ai des griffes pointues et que, sans le vouloir, je pourrais te faire grand mal. Mais je vois un moyen de conclure le marché sans aucun inconvénient. Tu as une bague d'argent, moi j'ai une bague d'or. Trop con ! Tu vois que le marché est à ton avantage. » Et le loup montra sa patte à l'annulaire de laquelle brillait, en effet, à travers le poil, une bague de l'or le plus fin. « Ah ! » dit Thibaut, « j'accepte. » L'échange des anneaux se fit. « Bon ! » dit le loup, « nous voilà mariés. »« Oh ! » fit Thibaut, « fiancé, messire loup, peste, comme vous y allez. » « C'est ce que nous verrons, maître Thibaut. » « Et maintenant, retourne à ta besogne, je retourne à la mienne. » « Adieu, seigneur loup. » « Au revoir, maître Thibaut. » À peine le loup avait prononcé ces mots « au revoir » sur lesquels il avait appuyé d'une sensible façon, qu'il disparut comme une pincée de poudre à laquelle on met le feu et comme une pincée de poudre laissant une odeur de soufre. Thibaut resta un instant abasourdi. Il ne pouvait s'habituer à cette manière de faire sa sortie, comme on dit en termes de théâtre. Il regarda de tous les côtés. Plus de loup. Le sabotier crut un instant qu'il avait été le jouet d'une vision. Mais en abaissant les yeux, il vit la bague diabolique à l'annulaire de sa main droite. Thibaut la tira de son doigt et l'examina. Il lui sembla qu'il y avait un chiffre gravé à l'intérieur de la bague, et il reconnut qu'il se composait de deux lettres, un T et un S. « Ah ah !» dit-il avec une sueur froide. « Thibaut et Satan, les noms de famille des deux parties contractantes. Ma foi, tant pis. Quand on se donne au diable, il faut s'y donner de bon cœur. » Et Thibaut, pour se griser, entonna une chanson. Mais sa voix avait un si singulier accent qu'elle lui fit peur à lui-même. Il se tut donc et, pour se distraire, se remit à l'ouvrage. Mais au troisième ou quatrième coup de paroir qu'il donna à son sabot, il entendit dans le lointain, du côté de Baisemont, une reprise de la meute et une reprise du corps du baron. Thibaut suspendit son travail pour écouter chiens et trompes. « Cours, mon beau seigneur, dit-il, cours après ton loup. Ce n'est pas de celui-là, je t'en réponds, que tu cloueras la patte à la porte de ton château. Ventre gai, la bonne aubaine, me voilà devenue presque fée. Et tandis que tu ne te doutes de rien, mon honnête bailleur des rivières, il ne tient qu'à moi de jeter un sort sur ta tête et de me venger grassement de toi. » Thibaut, à cette pensée, s'arrêta court. « Tiens, au fait, dit-il, si je me vengeais de ce damné baron et de maître Marcotte, bah, pour un cheveu, je puis bien me passer cette fantaisie. » Thibaut passa sa main dans son épaisse et soyeuse crinière, fournie et riche comme celle d'un lion. « Bon, dit-il, j'en ai de reste à perdre des cheveux. Va donc pour un cheveu. D'ailleurs, c'est un moyen de m'assurer que mon compère le diable ne s'est pas gaussé de moi. Donc, je désire un bon accident pour le seigneur Jean. Et quant à ce grand vaurien de Marcotte qui m'a si rudement fustigé hier, je suppose qu'il ne serait que juste qu'il fût une fois plus maltraité que son maître. » Tout en faisant ce double vœu, Thibaut était fortement ému. Malgré ce qu'il avait vu de la puissance du loup noir, il craignait que celui-ci n'eût abusé de sa crédulité. Aussi, le vœu fait, lui fut-il impossible de reprendre son ouvrage. Il s'écorcha les doigts au paroir, qu'il prit à l'envers, et gâta, en s'obstinant à les parer, une paire de sabots de 12 sous. Pendant que Thibaut déplorait cet irréparable accident et qu'il secouait sa main ensanglantée, il se fit un grand bruit du côté de la vallée. Il courut à la route de la Chrétiennelle et vit de loin un cortège d'hommes qui revenait à petits pas. Ces hommes, c'étaient les piqueurs et les valets de chiens du seigneur de Vaise. La route de la Chrétiennelle a près de 3/4 de lieue de long. Thibaut fut donc quelque temps à distinguer ce que faisaient ces hommes qui lui paraissaient marcher d'un pas lent et solennel, pareil à celui d'un convoi mortuaire. Mais quand ces hommes ne furent plus qu'à 500 pas, Thibaut s'aperçut qu'il portait 2 civières. Sur ces 2 civières, 2 corps inanimés étaient étendus, celui du seigneur Jean et celui de son piqueur Marcotte. Une sueur froide lui passa sur le front. « Oh oh ! » dit-il, « qu'est-ce que cela ?» Voici ce qui était arrivé. Tant que le daim s'était tenu sous le couvert, l'expédient dont Thibaut avait usé pour donner le change au chien avait eu un heureux résultat. Mais en faisant un retour du côté de Marolles, la bête, traversant une bruyère, vint passer à 10 pas du seigneur Jean. Celui-ci crut d'abord que le daim s'était levé d'effroi au bruit des chiens et se dérobait. Mais derrière lui, à 100 pas à peine, il vit paraître la meute tout entière, 40 chiens courant, jappant, hurlant, criant les uns en basse comme des bourdons de cathédrale, les autres à voix pleine comme des tam-tams, les autres en fausset comme des clarinettes qui détonnent, tous y allant à pleine gorge, avec autant de cœur et de liesse que si jamais ils n'eussent humé l'odeur d'un autre animal. Le seigneur Jean entra alors dans une de ces colères près desquelles les colères de Polichinelle sont de pâles colères. Il ne criait plus, il hurlait. Il ne jurait plus, il sacrait. Il ne se contentait plus d'allonger des coups de fouet à ses chiens. Il trépignait sur eux des quatre fers de son cheval, se démenait sur sa selle comme un diable dans un bénitier. Toutes ces malédictions allaient à l'adresse de son premier piqueur qui l'accusait d'ânerie, ni plus ni moins. Cette fois, il n'y avait plus rien à dire, pas d'excuses à donner, et le pauvre Marcotte était bien honteux de la bévue de ses chiens et bien inquiet de la grande rage de Monseigneur. Il résolut donc de faire tout ce qui est au pouvoir d'un homme, et même davantage, pour réparer l'un et calmer l'autre. En conséquence, il lança son cheval au galop à travers futaies et taillis, criant de toute la force de ses poumons « Arrière, chien, arrière !» Et il distribuait à droite et à gauche des coups de fouet si vigoureux que chacun d'eux creusait son sillon dans le poil des pauvres bêtes. Mais il avait beau faire, beau crier, beau fouetter, les chiens n'en semblaient que plus enragés sur la voie. On eût dit qu'ils avaient reconnu leur daim de la veille et que leur amour-propre, piqué au vif, tenait à avoir sa revanche. Marcotte prit alors un parti désespéré, celui de traverser la rivière d'Ourcq, près de laquelle on se trouvait, et que la chasse traversait elle-même en ce moment, ou plutôt qu'elle était près de traverser. En se pliant sur l'autre bord et en fouillant les chiens lorsqu'ils remonteraient sur l'autre rive, il espérait rompre la meute. Il lança son cheval dans la direction de la rivière et d'un bond fut au milieu du courant. Tous deux, cheval et cavalier, étaient tombés à l'eau avec assez de bonheur. Mais par malheur, comme nous l'avons déjà dit, la rivière était horriblement grossie par les pluies. Le cheval ne put tenir contre le courant. Il tournoya plusieurs fois sur lui-même et disparut. De son côté, Marcotte, voyant son cheval perdu, voulut l'abandonner pour gagner la rivière. Mais ses pieds étaient si fortement engagés dans les étriers qu'il ne put les en retirer et disparut 3 secondes après son cheval. Pendant ce temps, le baron était arrivé avec ses gens au bord de la rivière et sa colère s'était tout simplement métamorphosée en désespoir quand il avait pu se rendre compte de la situation critique de son piqueur. Le seigneur de Vaise aimait sincèrement ceux qui le servaient dans ses plaisirs, autant les hommes que les bêtes. Il cria de toute la force de ses poumons « Mille tonnerres du diable, sauvez Marcotte ! 25 louis, 50 louis, 100 louis à celui qui le sauvera !» Hommes et chevaux sautèrent à l'eau à l'envi comme des grenouilles effrayées. Lui-même poussa son cheval à la rivière, mais on le retint et l'on mit tant d'empressement à empêcher le digne seigneur d'exécuter son héroïque projet que le témoignage d'affection donné au maître devint fatal au malheureux piqueur. On l'oublia une minute. Cette minute suffit pour le perdre. Marcotte reparut à un endroit où l'Ourcq fait un coude, battit l'eau de ses bras, parvint à dégager son visage, cria une dernière fois « Au retour, chien, au retour !» Mais l'eau, en revenant sur sa bouche, étouffa la dernière syllabe du dernier mot, et ce ne fut qu'un quart d'heure après que l'on retrouva son corps sur un petit banc de sable où le courant l'avait amené. Marcotte était mort. Cet accident eut de funestes résultats pour le seigneur Jean. En noble homme qu'il était, il ne haïssait pas le bon vin, et cela l'avait un tant soit peu prédisposé au coup de sang. Or, la commotion qu'il ressentit en face du cadavre de son serviteur fut tellement vive que le sang, affluant avec violence vers le cerveau, y détermina une apoplexie. Thibault fut épouvanté de l'exactitude scrupuleuse avec laquelle le loup noir avait rempli ses engagements. Il ne songeait pas sans un certain frisson à la ponctualité que maître Isengrin était en droit d'exiger en retour de la sienne. Puis il se demandait avec inquiétude si le gaillard serait loup à se contenter toujours de quelques cheveux, et cela d'autant plus qu'au moment du souhait et dans les quelques secondes qu'il avait suivies, c'est-à-dire au moment de son accomplissement, il n'avait ressenti aucune impression dans le cuir chevelu, pas même le plus petit chatouillement. Le cadavre du pauvre Marcotte lui produisit un assez vilain effet. Sincèrement, il ne l'aimait point et se croyait fondé à ne point l'aimer, mais son aversion pour le défunt n'avait jamais été jusqu'à souhaiter sa mort, et le loup avait évidemment outrepassé ses souhaits. Il est vrai que Thibault n'avait point précisément indiqué ce qu'il voulait et avait laissé de la marge à la malice du loup. Il se promit à l'avenir de mieux préciser sa volonté et surtout d'être plus réservé dans les vœux qu'il formerait. Quant au baron, il n'était pas mort, mais il n'en valait guère mieux. Depuis le moment où il avait été frappé comme d'un coup de foudre par le souhait de Thibault, il n'avait pas repris ses sens. On l'avait couché à l'air sur le tas de bruyères que le sabotier avait amassé afin de cacher la porte de son étable, et ses gens, tout effarés, bouleversaient la maison pour trouver quelques condiments qui rappela leur bon seigneur à la vie. L'un demandait du vinaigre pour lui en frotter les tempes, l'autre une clé pour la lui fourrer dans le dos, celui-ci une planchette pour lui frapper dans les mains, celui-là du soufre pour lui brûler sous le nez. Au milieu de toutes ces voix qui battaient évidemment la campagne, on entendit la voix du petit Engoulevent qui criait « Par la rate Dieu ! Ce n'est pas tout cela qu'il nous faudrait, c'est une chèvre. Ah, si nous avions seulement une chèvre !»« Une chèvre ?» s'écria Thibault, qui n'était point fâché de voir le seigneur Jean rétabli, ce qui eût dégagé sa conscience de la moitié du poids qui pesait sur elle, et en même temps sauvé sa pauvre cabane du pillage. « Une chèvre, j'en ai une !»« Vraiment, vous possédez une chèvre ?» s'écria Engoulevent. « Ah, mes amis, voilà notre cher seigneur sauvé !» Et dans son transport, Engoulevent sauta au cou de Thibault, disant « Amenez votre chèvre, mon ami, amenez votre chèvre !» Le sabotier entra dans l'étable et tira derrière lui l'animal qui le suivait en bêlant. « Tenez-la ferme par les cornes !» dit le petit valet du chenil, « et soulevez-lui la patte de devant !» Et en parlant ainsi, l'apprenti veneur avait tiré de sa gaine le petit couteau qu'il portait à la ceinture et l'aiguisait soigneusement à la meule où Thibault repassait ses outils. « Que comptez-vous donc faire ? » demanda le sabotier, assez inquiet de ses préparatifs. « Comment ? » dit Engoulevent. « Ne savez-vous donc pas qu'il y a dans le cœur des chèvres un petit os en croix qui, mis en poudre et broyé, est souverain contre les coups de sang ? Vous voulez tuer ma chèvre ? » exclama Thibault en lâchant tout à la fois la corne et la patte de la pauvre bête. « Mais je ne veux pas qu'on la tue, moi !»« Ah, fi ! » dit Engoulevent. « Ce n'est pas joli, ce que vous dites là, monsieur Thibault. Pouvez-vous mettre en parallèle l'existence de notre bon seigneur avec celle de cette misérable bique ? Vrai, j'en rougis pour vous. Vous en parlez bien à votre aise ? « Cette chèvre, c'est toute ma fortune, tout mon bien. Elle me donne son lait et j'y tiens. »« Ah, monsieur Thibault, bien certainement que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites là. »« Et par bonheur, le seigneur baron ne vous entend pas, sans quoi il aurait le cœur navré de voir sa précieuse santé ainsi marchandée par un vilain. »« D'ailleurs, » dit un des piqueurs en riant d'un rire narquois, « si maître Thibault estime sa chèvre à un prix que monseigneur puisse seul lui payer, rien ne l'empêchera de venir réclamer ce prix au château de Vaise. On le lui payera avec ce qui lui est redu sur son compte d'hier. » Thibaut n'était pas le plus fort, à moins d'appeler de nouveau le diable à son aide. Mais il venait de recevoir de Monseigneur Satan une si belle leçon qu'il n'y avait pas de danger que, le même jour au moins, il s'exposât à pareille aubaine. Il n'eut donc pour le moment qu'une préoccupation. Ce fut de ne rien souhaiter de mauvais à aucun de ceux qui se trouvaient là. Un homme trépassé, un autre à moitié mort, c'était une suffisante leçon. Il en résulta que, quoique les physionomies qui l'entouraient fussent ou menaçantes ou railleuses, il détourna les yeux de ces physionomies de peur qu'elles ne lui montassent la tête. Pendant qu'il avait les yeux détournés, on égorgeait la chèvre, du supplice de laquelle il ne fut informé que par le cri douloureux que jeta le pauvre animal. Lorsque la chèvre eut expiré, on chercha dans son cœur tout pantelant le petit os qu'Engoulevent avait indiqué. On le prit, on le mit en poudre, on le délaya avec du vinaigre dans lequel on avait introduit 13 gouttes de fiel extraites de la vésicule qui le contenait. Au moyen de la croix d'un chapelet, on mélangea le tout dans un verre d'eau, puis les dents du Seigneur Jean ayant été desserrées à l'aide de la lame d'un poignard, on lui versa doucement cette mixture dans le gosier. L'effet du breuvage fut prompt et vraiment miraculeux. Le Seigneur Jean éternua, se dressa sur son séant et demanda d'une voix encore un peu embarrassée, mais cependant déjà intelligible, à boire. Engoulevent lui présenta de l'eau dans un vidercom de bois, héritage de famille dont Thibaut était très fier. Mais le baron n'y eut pas plutôt trempé ses lèvres et ne se fut plutôt aperçu de l'abominable liquide que l'on avait eu l'impudence de lui offrir qu'il fit un poids des plus significatifs, lança à toute volée le vidercom contre la muraille et le brisa en mille pièces. Puis, d'une voix pleine et sonore et qui annonçait son entier retour à la santé, « Du vin » cria-t-il. Un des piqueurs monta à cheval et courut jusqu'au château d'Oigny demander quelques vieux flacons de Bourgogne au seigneur du lieu. 10 minutes après, le piqueur était de retour. On déboucha 2 bouteilles que le seigneur Jean, faute de verre, attaqua corps à corps, bouche à goulot, et qu'il vida chacune d'un trait. Puis il se tourna du côté de la muraille en murmurant « Mâcon, 1745 ». Et il s'endormit profondément.